تلكال بودكاست. Bonjour, je suis Murtada Kelami et Brahim El Mazned, producteur, directeur du festival Visa for Music et directeur artistique du festival Timitar, va nous rejoindre dans quelques instants. Sans oublier, à la fin de cet épisode, l'actualité du livre. Lorsqu'il fait 126 pages, un livret devient un livre à part entière, surtout quand il est inséré dans un superbe coffret qui contient aussi 10 CD pour former un très bel objet. Après 2 ans de préparation, Brahim El Mazned a enregistré en 2020 près de 10 heures de la musique des poètes et chanteurs itinérants amazir. Le livre fourni permet de resituer ce qu'étaient et sont encore Tarwasin et Ruwais. Fascinés, des auteurs coloniaux y avaient reconnu les descendants des rhapsodes de la Grèce antique, des trouvères du Moyen-Âge. Les parallèles sont nombreux, peut-on admettre, même si l'on a de traces du genre telles que nous le connaissons que depuis la fin du 19e siècle. Celui qui ne sait parler tamazir est incapable de parler d'amour, prévenait un poète. Nous parlerons musique, donc. La pratique est connue dans tout le territoire où le tachalit est d'usage. Plaine du Sous, Haut Atlas, Anti-Atlas et zone présaharienne. La plupart des artistes, hommes et femmes, pratiquaient d'abord les arwash, ces chants et danses qui rythment la vie du monde rural. Tarwasin et Ruwais, femmes et hommes, s'organisaient en troupes pour donner des spectacles plus structurés, bien qu'avec une large place laissée à l'improvisation. Introduction musicale, récitation poétique, joute verbale, danses et transes s'enchaînent avec danseurs, choristes et maîtres ou maîtresses au chant. Le répertoire des textes est mouvant, du plus ancien aux commentaires d'actualité, profanes ou religieux. Caïds et Pachas s'attachaient ses troupes dans leur casbah, mais la consécration s'obtenait dans les halkas de la place Jama al-Fna. La formation, pour les plus célèbres du XXe siècle, se faisait à la Zawiya de Sidi Ahmed Oumoussa. Ce grand saint du Sud, disparu au XVIe siècle, est toujours l'autorité tutélaire de moultes acrobates et jongleurs, dont on sait qu'au XIXe siècle, certains se sont rendus aux USA, en Allemagne et à Londres, entre autres. Quelques Tarwasin et Ruwais ont suivi les mêmes chemins. Mais la plupart ont surtout accompagné le grand mouvement de l'exode rural vers les grandes villes, Agadir, Marrakech, Casablanca. Après les années 50, le périple de l'émigration les verra en Europe, même si la plupart de ceux-là rentreront au Maroc. Il y a toutefois le célèbre Raïs en Baris, le Raïs de Paris, qui a laissé un album remarquable échappé des usines automobiles où il travaillait. Au Maroc, à partir des années 1930, les femmes entrent plus ouvertement dans la carrière. La migration en ville facilite cette émancipation. Les Tarwasines, vivant entre bitume et béton, bénéficient d'une éducation scolaire que n'avait pas reçue leur mère. Outre le quotidien, leurs poésies décrivent plus franchement les sentiments, l'amour et ses trahisons. Fuyant souvent un mariage précoce et ou raté, elles ne mâchent pas leurs mots pour dire ce qu'elles ont traversé. L'héritage rural impose néanmoins l'usage de la métaphore aux Tarwasines, comme aux Ruwais. La faune et la flore, le cheval, le pigeon ou le faucon ont plusieurs sens, propres et figurés. Enfin, l'organe des passions est moins le cœur que le foie. Il peut être blessé, s'écrouler, exploser, sauter, brûler ou en pleurs. L'être aimé y habite, l'amour maternel aussi. On en parle dans un instant avec Brahim El Mazned. Bonjour, c'est Brahim. Bonjour, Murtada. Vous avez publié un coffret avec 10 CD d'enregistrement. Alors, ce sont pas des enregistrements tout à fait d'origine, si j'ai bien compris. Comment est-ce qu'ils se sont faits? Bon, d'abord, ces enregistrements sont le fruit d'un long process. D'abord, plusieurs rencontres avec les artistes. Plus de 2 années de terrain. Et puis, nous avons invité tous ces artistes qui sont présents dans ce coffret au studio Hiba à Casablanca. Mmh. Donc, nous avions souhaité de faire un enregistrement d'abord comme à l'époque, enregistrement avec une sonorité quasiment blues, sans trop d'effets et exclusivement avec des instruments de traditionnel, c'est-à-dire il y a pas d'intervention ni électronique ni d'instrument moderne. Donc c'est pour ça que c'est un son qui rappelle, y compris pour les artistes, des sonorités des années 80, de quelque part de l'âge d'or de cette belle tradition. Donc tout le monde s'est réuni à Casablanca. Bon, c'est trois mois de travail, donc 3 mois très très intenses, plus bien évidemment 4 mois de mixage, mastering, etc. Bien sûr, c'est un gros travail. Et alors, le livret, donc, on l'a évoqué, qui fait 126 pages, est extrêmement fourni, extrêmement bien documenté. Vous avez travaillé avec des connaisseurs, avec des grands noms de la culture amazigh. Tout à fait. Pendant ces deux années, nous avons pris beaucoup de témoignages. D'abord des artistes, parce qu'il était indispensable de les écouter, et surtout que certains parmi eux ont 50 ans de carrière, donc ils ont commencé dans les années 70, voire même avant. Et donc ces artistes-là nous ont donné beaucoup, beaucoup d'informations qui sont présentes dans l'ouvrage. Et évidemment, j'ai également été accompagné par des universitaires qui sont spécialisés dans ce domaine, notamment Afoulaye El Khatir, qui travaille à l'ERCAM, qui est directeur là-bas, mais également Hussein Bouyaqoubi de l'Université d'Agadir et d'autres. Donc on a sollicité énormément de collègues, soit par des témoignages, soit par des contributions, donc pour nourrir cet ouvrage, parce qu'il était indispensable, nous avions souhaité qu'il soit à la fois un bel objet, mais très, très riche sur le plan musical, mais également très rigoureux sur le plan académique. C'est une réussite. C'est à la fois rigoureux et accessible. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être universitaire pour entrer dedans. Les textes sont assez courts. On trouve les informations nécessaires pour comprendre ce que l'on écoute. Alors, à propos d'écouter, je pense qu'on va écouter maintenant un premier extrait qui est donc de Tarwa Lajbelhaid. Excusez-moi pour l'accent. Donc, ce sont les enfants de Lajbelhaid. On va revenir dans un instant. Les petits-enfants de Lajbelhaid. Donc c'est hommage à Lajbelhaid. Qui était-il? Pourquoi lui fait-on hommage comme ça? Ça a l'air d'être un personnage central. C'est un personnage central. Il fait partie des premiers à avoir enregistré, en France d'ailleurs, plusieurs albums. Ces albums-là ont été d'ailleurs... ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc lui, il était né à la fin du 19e siècle? Fin 19e siècle, décédé autour de 45. Et quelqu'un qui était très, très apprécié. À la fois par la communauté amazigh qui l'écoute partout, mais également il s'est produit à plusieurs reprises à l'étranger. Il se produisait beaucoup chez les Qaïd, notamment chez le Glaoui, qu'il appréciait beaucoup. Mais le plus important, c'est tout ce qu'il a légué comme patrimoine, qui est encore reproduit jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment une... Pour moi, je le considère, c'est vraiment une école majeure de Terroussa. On dit qu'il a codifié le genre, en quelque sorte. Tout à fait, mais surtout, il a formé beaucoup de Rouais de l'époque. C'est quasiment l'école la plus rigoureuse en termes de cette pratique. Et effectivement, quelque part, il l'a codifié, parce que c'est quelqu'un qui est, même s'il part d'un village à côté de Tiznit, il a à la fois voyagé un peu partout au Maroc, où il était très sollicité, mais également à l'étranger, où il a enregistré plusieurs albums, notamment à Paris. Très bien. Alors, il y a aussi, dans cet art, il y a aussi une place toute particulière qui est donnée aux femmes, aux artistes femmes. Donc là, nous allons écouter un extrait de Fatima Tabamlant. Donc, quelle place ont ces femmes en règle générale? D'abord, les femmes étaient très présentes dans Terroussa, dans la région de Tiznit, au tout début du siècle. Il y a beaucoup de chercheurs français qui étaient de passage, qui avaient écrit sur ces femmes. Beaucoup de photographes, notamment Besancenot, mais également Belin et d'autres qui ont photographié ces femmes, qui jouaient principalement dans les salons. à l'époque, à Tiznit. Mais personnellement, je considère que l'âge d'or des années 70 et des années 80, c'était une période où on a vu beaucoup de femmes dans l'espace public. Beaucoup d'artistes qui ont marqué... Voilà. Pour la période coloniale, elles étaient encore dans les salons, mais pas sur Jamal Fna, par exemple. Après l'exode rural qu'elles se sont présentées plus en public. Donc. Oui, parce que c'est une communauté comme la Haïta qui s'est urbanisée assez vite. Et donc forcément, elles ont occupé l'espace public de manière assez incroyable, que ce soit à Casablanca, au Marrakech ou à Agadir. Et donc des figures qui ont marqué cette pratique, que ce soit Arqiyat Al-Bensir, que ce soit Fatima Tahit qui s'est retirée de la scène en 1982, ou aujourd'hui avec Fatima Tabamran. Sauf qu'avec Fatima Tabamran, il y a aussi un volet identitaire qui est très fort. C'est une femme très engagée. C'est une femme qui a fait aussi de la politique. Donc forcément, on arrive à un autre discours qui sort du profane et du sacré vers quelque chose de plus engagé. Donc ces textes à elle sont assez remarqués par cet engagement identitaire. Vous m'aviez dit qu'elle avait été faire une intervention au Parlement, d'ailleurs. Tout à fait. Elle a été parlementaire. Elle a été remarquée par la première femme à avoir posé une question en Damazirt, en plein hémicycle, ce qui a fait beaucoup de bruit. Donc forcément, avec des figures comme ça, on arrive à une autre façon de... C'est-à-dire que la musique prend tout son rôle, y compris son rôle politique et donc il y a beaucoup de choses dans la culture non écrite, puisqu'on parle d'un patrimoine oral. Exact. C'est vraiment la culture non écrite qui se transmettait de génération en génération et dont on voit les effets jusqu'au Parlement aujourd'hui. On va écouter alors un dernier extrait de Saïd Outajacht. Et alors, pourquoi compte-t-il ? Puisque c'est vous qui l'avez choisi, dites-nous. J'ai proposé Saïd Outajacht parce qu'il y a quelques figures comme ça qui sont des jeunes, qui reprennent un peu le flambeau, qui portent encore avec beaucoup d'engagement cette pratique, donc qui perpétuent cette tradition. Bon, Saïd, lui, il a appris avec son père, Abdallah Outajacht, qui lui-même est un reis. Il y a d'autres figures également qui sont pas forcément venues d'un rapport maître à disciple, comme Fatima Tachtoukht ou Kiltouma Tamazirt ou d'autres jeunes reis. Et donc, pour moi, ça représente un peu l'espoir pour la continuité de cette riche tradition marocaine. Alors oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que donc vous venez d'y faire allusion, c'est que l'enseignement se faisait tout de même soit de père en fils, soit de maître à disciple. Mais maintenant, j'ai lu dans votre coffret qu'il y en a qui apprennent ça sur YouTube. Est-ce que on a une perte de qualité, ou est-ce qu'il y a une façon, ou est-ce que la communauté artistique reforme ceux qui découvrent ça d'abord sur Internet derrière? Je ne sais pas comment ça se passe. Ouais, je pense que de toute façon, la mutation, elle est obligée dans tous les secteurs. Donc forcément, ceux qui continuent à perpétuer cette tradition, bon, ils la font d'abord par passion. Et donc forcément, ils ont des références qu'ils écoutent au quotidien. Et évidemment, ils cherchent les meilleurs musiciens pour les accompagner. Et c'est sûr que YouTube fait partie des outils, des sources pour apprendre la musique. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de ces musiciens nous obligent à réfléchir et à penser ensemble, à mettre en place des outils qui sortent de modèles traditionnels qui, malheureusement, ne pourra plus continuer. Le maître à disciple ne peut plus exister. On est dans une... pas sous la forme que ça avait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, forcément, il faut institutionnaliser les choses. On ne peut plus confier des enfants à des maîtres comme ça dans une démarche informelle. Donc il faut réfléchir, faut ensemble, structurer la chose à la fois pour Arwais, pour l'Aïta et pour d'autres formes traditionnelles si on veut qu'elle continue. Merci beaucoup Sibrahim. Merci beaucoup Moutada pour l'invitation. Outre le coffret Arwais, Pour se documenter sur le sujet, Brahim Elmaznen nous recommande « Musique du Maroc » de Ahmed Haïdoun aux éditions de la Croisée des Chemins en 2014 et « Origine » de Amin Malouf en 2004, disponible en poche. Enfin, quelques conseils de lecture de la librairie en ligne kitab.ma. Le Miel et l'amertume, dernier roman de Tahar Benjelloun chez Gallimard, raconte l'histoire d'une adolescente victime d'un pédophile à Tanger. Le cinquième tome de L'Arabe du futur, aux éditions Alari, est un succès mondial. Cette BD autobiographique de Riyad Satouf narre sa jeunesse entre la Libye de Kadhafi, la France et la Syrie d'Hafez el-Assad. L'intrication de Malabar, d'Amin Jamaï, est un thriller qui raconte les aventures d'un jeune homme qui quitte la campagne d'Azrou pour partir à l'aventure. La pharmacopée marocaine traditionnelle est le fruit de 40 ans de recherche de Jamal Belahdar. C'est aussi la référence absolue sur les plantes médicinales au Maroc, une belle édition en deux tomes publiée chez Le Fenec. Le pays des autres, de Leila Slimani, chez Gallimard, commence en 1944 pour nous raconter l'histoire de Mathilde, une jeune Alsacienne qui s'éprend d'Amine, un Marocain combattant dans l'armée française. L'on peut se procurer ses ouvrages, et bien d'autres encore, sur le site kitab.ma, Q-I-T-A-B.ma, qui livre partout au Maroc.